Bonjour cher Xavier et bonjour à tous. Avez-vous le sentiment d'être toujours en retard ? En retard au travail, en retard sur votre temps, en retard par rapport à vos enfants, en retard par rapport à quelque chose que vous ne parvenez pas à nommer et qui vous fait courir toujours plus vite et toujours plus longtemps. Pour rattraper ce retard, la solution nous est servie sur un plateau. Il faut s'adapter, entend-on. S'adapter à l'accélération, à l'époque, s'adapter à la demande d'adaptation. Mais sommes-nous adaptables à l'infini ? Et si l'idée même d'adaptation était un impératif idéal formulé par en haut pour être bien sûr de ne jamais changer ? S'adapter pour ne pas changer, faisons-nous autre chose aujourd'hui ? Nous sommes ici, mes chers amis, pour changer le destin de notre pays. Je suis prêt à assumer cette responsabilité. Je m'adapte à cette putain d'époque, je suis dans l'urgence, je me barre en couille comme ce monde. Attaque de brins, de diligence, on t'en tue. Fort d'État et ses dirigeants, on veut des thunes. Dans l'excès, te sauve pas, où on vise les rotules. 1-1-3, 11-43, 2003 pour 2004, on enquille les revêts. Vitrio à l'état pur, on t'encule, faut pas rêver. Eh bien le changement, c'est maintenant. Le redressement, c'est maintenant. La justice, c'est maintenant. L'espérance, c'est maintenant. La République, c'est maintenant. Le changement, j'y suis prêt. Stay relaxed. Bonjour Barbara Stiegler. Bonjour. Vous avez vu que François Hollande, avec Rimka, se met à rapper sur le changement, c'est maintenant. C'est un point de départ que vous aviez en tête lorsque vous avez écrit le livre « Il faut s'adapter », c'est une citation. Hein. Un point de départ. Le changement, c'est maintenant. L'adage politique qui a été lancé par François Hollande. C'était pas un point de départ puisque ce slogan de campagne, pour moi, n'avait rien de très nouveau. J'entendais ça depuis fort longtemps. Donc on peut pas dire que ça ait joué le rôle d'un déclic. Mais c'est ce que ça implique. Le changement, c'est maintenant. Ça veut dire, on va changer vers quoi? Ben, on va essayer de s'adapter, au fond, à l'époque qui est la nôtre. Le changement, en fait, il vient de nous. C'est une manière de reconnaître que l'époque dans laquelle nous vivons n'est pas celle d'avant, au fond. Oui, alors, j'ai beaucoup apprécié la manière dont vous avez introduit notre entretien. L'idée que on est avec ce slogan, avec cette injonction. On est dans quelque chose qui à la fois nous demande de nous adapter à quelque chose de toujours nouveau et on a l'impression, plus ou moins confuse, que peut-être derrière cette injonction à s'adapter à quelque chose de toujours nouveau, on nous demande que rien ne change. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu et que vous avez dit très explicitement tout à l'heure. Donc, c'était un des points de départ de mon enquête. Vous êtes professeur de philosophie politique à l'Université Bordeaux-Montaigne, membre de l'Institut universitaire de France, responsable du master Soins, éthique et santé. Vous aviez publié deux ouvrages sur Nietzsche, hein, Nietzsche et la biologie, Nietzsche et la critique de la chair. Et vous avez fait paraître cette année « Il faut s'adapter », c'est donc le titre du livre, sur un nouvel impératif politique aux éditions Gallimard. Le titre ne l'indique pas, mais il y a un lien entre ce dernier ouvrage et celui sur Nietzsche et celui sur Nietzsche et la biologie. En fait, vous essayez dans ce livre de montrer comment cet adage « il faut s'adapter » transporte de manière peut-être implicite des enjeux qui sont décisifs pour penser le monde politique, notamment contemporain, et qui ne sont jamais pensés comme tels, à savoir notamment l'importance de la biologie. On va essayer de comprendre comment tout s'agence. Dites-nous peut-être votre définition de l'adaptation. Qu'est-ce que ça veut dire l'adaptation et comment est-ce que ça se distingue de la transition par exemple? Difficile à définir hein, parce que c'est un terme qui a une histoire très chargée, mais je peux donner quelques points de repère. Dans l'histoire de la notion d'adaptation, Darwin joue un rôle absolument central. Mais il n'est pas le seul en biologie de l'évolution à avoir porté la notion d'adaptation, il n'est pas le premier. Lamarck le fait bien avant lui. L'adaptation, donc, c'est une notion centrale de la théorie de l'évolution. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que au départ, au XVIIIe siècle, ça n'est pas une notion spécifiquement liée à la vie. Ce serait plutôt, si on regarde un dictionnaire ancien, lié à de la mécanique. Quelque chose d'adapté, c'est quelque chose qui s'insère bien dans une forme. Voilà. Donc, il va y avoir une transformation de la notion d'adaptation pour l'intégrer dans la notion dans les questions de biologie. Et l'idée fondamentale pour penser l'adaptation, c'est l'idée d'une relation bonne entre l'organisme et son environnement. Une relation qui est bonne. L'idée d'un ajustement. Une relation juste. Une relation qui fonctionne bien. Et c'est un concept passionnant, je pense qu'on peut dire que c'est un concept. C'est un concept passionnant puisque quand on commence à réfléchir à ce qu'il veut dire, en fait il est extrêmement contradictoire et compliqué. Et c'est pour cette raison que des gens en biologie ou en philosophie de la vie vont revendiquer absolument la notion d'adaptation, et d'autres vont être beaucoup plus critiques. Par exemple, les darwiniens vont revendiquer haut et fort la notion d'adaptation, tandis que des philosophes de la biologie et de l'évolution comme Nietzsche ou Bergson vont être soit très réservés, soit carrément critiques vis-à-vis de cette notion d'adaptation. Alors pourquoi ? Eh bien parce que ça engage le rapport complexe entre l'organisme et son environnement. Et je crois qu'à l'arrière-plan, il y a une histoire de rapport de force entre l'organisme et l'environnement. C'est-à-dire que l'environnement a des exigences. Il a des conditions, comme on dit, des conditions environnementales. Et l'organisme, il a lui aussi des exigences, et il a lui aussi des conditions. Et les choses ne sont pas si simples. Donc, c'est un rapport de force, vous le dites très bien. Voilà, il y a un rapport de force qui, pour certains philosophes de la biologie, est dissimulé par la notion d'adaptation, qui fait comme si tout ça se passerait très bien, automatiquement, tout seul. Et des philosophes de la biologie, des biologistes même de l'évolution, disent que l'adaptation, il y a quelque chose de dangereux dans cette notion, puisque à la fois elle pose la question, la bonne question de la relation entre l'environnement et l'organisme, et c'est bien une question qu'il faut poser, c'est une question cruciale en biologie, mais en même temps, elle tend à substituer aux vraies relations dynamiques entre organisme et environnement, quelque chose d'un peu mécaniste, quelque chose qui serait de l'ordre d'une adaptation, d'un ajustement comme une pièce dans une machine, vous voyez ? Donc, il y a ce débat-là qui est extrêmement crucial et qui est toujours vivace aujourd'hui en biologie de l'évolution. Et il y a aussi une autre question qui croise celle-là, qui est de savoir si c'est l'organisme qui doit imposer ses conditions ou si c'est l'environnement qui doit imposer ses conditions à l'organisme. Dans un cas, vous avez un organisme qui va être extrêmement offensif, actif et transformateur. Enfin, il va transformer activement son environnement du tout au tout, si on veut forcer les choses. Et à l'inverse, si on veut forcer les choses dans l'autre sens, l'organisme serait comme une pâte molle, dit Stephen Jay Gould, extrêmement critique contre l'adaptationnisme, un grand paléontologue contemporain, aujourd'hui décédé, mais qui a vraiment marqué la biologie contemporaine, hein, Stephen Jay Gould, qui critique l'adaptationnisme et qui dit que l'adaptationnisme des darwiniens orthodoxes conduit à penser l'organisme comme une pâte molle qui se plierait, exactement comme la matière inorganique, aux conditions physiques de l'environnement. Donc on a, du même coup, deux conceptions complètement opposées. Et l'adaptation est au carrefour de toutes ces controverses. La question se pose de savoir comment, à partir de ce concept biologique qu'est l'adaptation, on peut le transposer dans le domaine politique. C'est ce que vous faites dans votre ouvrage. Vous avez commencé en proposant une définition de l'adaptation en parlant d'organisme d'emblée. L'origine biologique du terme a-t-elle une conséquence sur l'utilisation plus métaphorique qu'on a aujourd'hui du terme d'adaptation, et en particulier en politique? Ces deux domaines-là sont très distincts. La biologie et la politique font plutôt mauvais ménage. Oui, On y pense, on pense plutôt au nazisme qui avait revendiqué haut et fort une conception biologique de ce terme, et depuis, on n'entend plus parler. Oui, le projet de mon livre est tout à fait étrange, on pourrait même dire exotique, dans la mesure où l'idée, c'est de réfléchir à la manière dont l'adaptation au sens biologique impacte notre vie politique aujourd'hui. Ça paraît complètement fou de poser une telle question, puisqu'on a été habitué à penser que les questions de politique n'avaient rien à voir avec les questions de biologie. Et en fait, si on réfléchit un petit peu à l'histoire de la pensée contemporaine, cette pseudo-évidence que la biologie n'a rien à voir avec la politique et la politique n'a rien à voir avec la biologie, ce dualisme total entre biologie et politique, cette frontière étanche, est en fait quelque chose qui s'est imposé brutalement au milieu du XXe siècle, et on peut raisonnablement penser que c'est du fait de la Seconde Guerre mondiale et du fait de l'usage par les nazis, par le nazisme, du biologisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de grands penseurs, de grands philosophes, de grands sociologues, de grands psychologues, hybrides, de grands pédagogues, sans aucun complexe, les questions de biologie, de société, voire de politique. Nietzsche, Bergson, Piaget, Canguilhem, et j'en passe. Après la Seconde Guerre mondiale, en Europe, ça n'est plus possible de le faire. Donc, à partir de là, c'est créé une situation qu'on peut tout à fait comprendre, mais qui, à mon avis, est délétère. Puisque la sphère du politique, en général, et la sphère de la pensée politique, de la théorie politique et de la philosophie politique, c'est totalement déconnecté des questions de vie, d'adaptation, d'évolution, etc. Et pourquoi vous jugez pertinent de réhabiliter la biologie dans la réflexion politique ? Je pense que non seulement c'est pertinent, mais c'est absolument nécessaire, parce que au moment où la pensée politique s'est empêchée de continuer à penser le rapport entre ces deux champs, dans la réalité de la vie politique, les choses ont continué à s'hybrider. Par exemple, aux États-Unis, il est tout à fait banal de mélanger le biologique et le politique, l'économique et le biologique. Ils n'ont aucun complexe de ce côté-là. Ils n'ont pas été arrêtés par le même tabou intellectuel que nous parce qu'ils n'ont pas la même histoire. Ils n'ont pas le même rapport à la Seconde Guerre mondiale. Et ils n'ont pas le même rapport au biologisme nazi. Donc, aux États-Unis, dans le monde de l'entreprise, dans le monde économique, on a toutes sortes d'hybridations qui ont eu lieu, quoi, et qui continuent à exister, premièrement. Ensuite, on a des questions politiques absolument cruciales aujourd'hui, autour de la vie, autour de la santé, autour de l'alimentation, autour de l'avenir du vivant, de l'avenir des espèces, autour de ce qu'est être dans un environnement, qu'est-ce que c'est que protéger un environnement, qu'est-ce que c'est que détruire un environnement. Enfin, on a des questions vitales autour de la vie qui sont des questions politiques. Mmh. Et du même coup, je crois qu'il est temps de, intellectuellement, assumer le passage du biologique au politique et du politique au biologique. Parce que la question se pose d'autant plus que vous avez dit que c'était une sorte de dualisme, qu'on opposait les deux. Mais en fait, si on précise les choses, on pourrait penser la politique comme étant une manière de venir corriger ou réguler la biologie. L'idée qu'on se fait du darwinisme, alors on va essayer de préciser les choses quand même, et même de l'évolution, c'est qu'il y a une espèce de loi qui nous échappe, peut-être qu'on pourrait peut-être appeler la loi du plus fort, même si c'est toujours réducteur, qui fait que les choses avancent sans notre contrôle, sans notre raison. C'est pas la raison qui décide des changements qui ont lieu en biologie. La politique, c'est exactement l'inverse. On se fait de la politique l'idée d'une discipline dans laquelle nous serions absolument maîtres, on pourrait décider de tout et ainsi intervenir dans le domaine biologique. Donc c'est pas simplement une opposition, c'est que la politique existe peut-être pour que l'homme puisse intervenir de manière artificielle dans le cours des choses. Mais c'est exactement ce qui se passe depuis, et de manière totalement délibérée et assumée, depuis au moins la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et c'est ce que montre Michel Foucault avec son concept de biopolitique. Le concept de biopolitique est vraiment extrêmement intéressant. Il consiste à dire que la politique, qui jusque-là s'était occupée de toutes sortes de choses, sauf de, mais certainement pas de la vie, décide de s'occuper de la vie, des mouvements vitaux, des mouvements de population, démographiques, etc., qui traversent les sociétés, de l'hygiène, de la santé publique. Toutes ces questions qui n'avaient absolument rien à voir avec la politique sont devenues des questions prioritaires pour nos systèmes politiques occidentaux à partir du XVIIIe siècle. C'est ce que Foucault explique parfaitement bien dans sa généalogie de la biopolitique. Donc en fait, nous sommes en pleine biopolitique depuis au moins la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Donc autant assumer le fait que ces deux champs sont dans une relation d'interpénétration perpétuelle et le penser, au lieu de poser ce tabou qui, dès que vous parlez un peu de biologie en politique, on vous dit « attendez, ne cédez pas au biologisme ». S'il y a un philosophe qui pensait biologie et politique ensemble ne fait pas peur, c'est bien Nietzsche. Voici un texte de Nietzsche, précédé d'une intervention d'Yves Montand, c'est en 1982. Tous les jours, comme moi, vous entendez parler de catastrophes économiques, d'inflation, de chômage, etc. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est déréglé dans le monde? Certains disent que c'est un cafouillage passager de l'économie. Mais et tout ça, c'est abstrait. Puis moi, je suis comme vous. J'aimerais bien y voir clair. Comme vous, je me sens embarqué malgré moi dans une énorme affaire qui m'échappe. Alors, comme vous l'avez sans doute fait, j'essaie de comprendre et de me faire expliquer tout ça clairement. Par manque de repos, notre civilisation court à une nouvelle barbarie. En aucun temps, les gens actifs, c'est-à-dire les gens sans repos, n'ont été plus estimés. Il y a donc lieu de mettre au nombre des corrections nécessaires que l'on doit apporter au caractère de l'humanité la tâche de fortifier dans une large mesure l'élément contemplatif. Mais dès à présent, tout individu calme et constant de cœur et de tête a le droit de croire qu'il possède non seulement un bon tempérament, mais une vertu d'utilité générale. Et qu'en conservant cette vertu, Il remplit même un devoir fort élevé. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, et Yves Montand qui en 1982 se demandait ce qui s'est déréglé dans le monde, hein, inflation, crise, chômage, il essaye de comprendre cette affaire qui, dit-il, nous échappe à tous. Et puis Nietzsche, lu par Vincent Schmitt, hein, qui décrit cette monstrueuse accélération de la vie qui fait que, eh bien, on ne comprend plus ce qui se passe, mais il y a peut-être une manière d'être, dit-il, qui serait davantage celle de la contemplation plus que de la compréhension, qui nous permettrait de saisir ce qui est vraiment en jeu. Barbara Stiegler, ce sentiment de désarticulation entre soi et le monde, qui nous fait nous sentir toujours en retard par rapport à ce qui se passe. Il est très présent aussi dans votre ouvrage. Vous montrez à quel point c'est sans doute un point de départ pour penser la nécessité d'une adaptation. On nous dit qu'il faut nous adapter parce que on sait très bien qu'on se sent toujours en décalage et en retard par rapport à ce qui se passe. Oui, absolument. Dans cet ouvrage, il faut s'adapter. Entre guillemets, je tiens évidemment beaucoup à rappeler qu'il y a des guillemets puisque ce n'est pas une injonction que je formule moi-même. Je réfléchis. C'est pas une citation non plus. Pas direct. Ce n'est pas la citation de quelqu'un, c'est la citation de ce qu'on entend. De tout le monde. Voilà, ça, c'est voilà ce qu'on peut dire, ce qu'on dit nous-mêmes parfois, ça nous échappe. Il faut bien s'adapter. Il faut bien s'adapter. Voilà. Alors dans cet ouvrage, effectivement, je pars à la fois de cette injonction et j'essaie d'en comprendre l'origine, le sens et d'ailleurs la plurivocité, parce que en réalité, quand on rentre un peu dans le détail, comme j'ai dit tout à l'heure, de la notion d'adaptation, c'est extrêmement polysémique et c'est pas si simple. Mais je m'intéresse aussi à un constat de départ qui est exactement ce que vous venez de dire, à savoir un constat de sentiment de désadaptation, le sentiment d'être inadapté. Je suis comme il m'arrive de le dire parfois, je suis nul en informatique. Voilà. C'est souvent l'informatique d'ailleurs, voilà. Le mot informatique qui suit la phrase je suis nul en informatique, ce qui est une phrase tout à fait idiote, que je prononce assez régulièrement pour aller vite, parce que je suis pressée et que je dois, dans mes échanges, parfois je vais vite. Donc je suis nul en informatique, c'est une phrase absurde, qui veut dire que je suis nul. Qu'est-ce que ça veut dire? En informatique, est-ce que je suis si nul que ça? Bon, voilà. Mais c'est ce sentiment que de plus en plus de contemporains, par lequel de plus en plus de contemporains se sentent envahis, d'être désajusté, mal ajusté, inadapté, en retard. Et dans l'ouvrage, je me suis intéressée à deux auteurs américains, Walter Lippmann et John Dewey. L'un qui est un journaliste, quelqu'un qui a eu un rôle historique fondamental dans tout le XXe siècle américain, un diplomate, enfin un homme très important. Vraiment un personnage historique, mais aussi un essayiste de formation, philosophe d'ailleurs. Un essayiste dans le champ de la pensée politique, un publiciste, hein, comme on pourrait dire, d'un côté, et de l'autre, John Dewey, qui est un philosophe américain de la lignée des pragmatistes, qui a lu de très très près ce Walter Lippmann et qui a en fait est entré dans un combat intellectuel contre Lippmann pendant des années, et au fond on découvre, quand on regarde bien leurs débats, que la pensée politique passionnante de John Dewey est largement héritière de sa lecture de Lippmann, de sa lecture critique de Lippmann. Donc je me suis intéressée à leur dialogue passionnant, et j'ai découvert que l'un comme l'autre était parti du constat posé par un psychologue social tout à fait méconnu aujourd'hui, britannique, qui s'appelle Graham Wallace, qui est tout à fait oublié, mais qui était important à l'époque, et qui avait posé comme constat que dorénavant, dans le champ des sciences humaines et sociales, ce qu'il fallait penser, c'était le constat d'une désadaptation entre notre espèce et l'environnement industriel qu'elle avait créé. Et j'ai lu de très près Graham Wallace, qui est vraiment un auteur intéressant. Et Walter Lippmann a été fasciné par Wallace, il a suivi ses séminaires à Harvard. Dewey a été extrêmement inspiré par Wallace également. Et donc ils sont partis de ce diagnostic commun d'un état totalement nouveau dans l'histoire de la vie, d'une espèce, la nôtre, en situation de désajustement extrêmement grave avec son environnement. Nous n'avons pas les moyens psychiques, cognitifs, affectifs, etc., de supporter l'environnement que nous avons nous-mêmes créé. Voilà, qui est un environnement qu'on pourrait qualifier, pour aller vite, de mondialisé, d'industrialisé, avec des rythmes en accélération exponentielle, avec une tendance à la dissolution de toutes les clôtures, de toutes les frontières. Il se trouve que pour ces auteurs, notre esprit, nos dispositions psychiques, nos émotions ne sont pas capables de supporter un tel environnement. Et encore, ils ont écrit ça il y a plusieurs décennies. Alors, ce constat, il est posé par Wallace au début du XXe siècle, avant la Première Guerre mondiale, qui est en train de se profiler à l'horizon. Plus de 100 ans, ouais. Voilà. Et donc, ils partent tous, de ces auteurs, de cet état de fait. Et j'ai trouvé ça très intéressant comme diagnostic. J'ai pris ce diagnostic au sérieux. Parce qu'il s'applique, selon vous, encore plus à notre époque, aujourd'hui? Parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à l'idée de rappeler que nous sommes une espèce. Oui. Qu'en tant qu'espèce, nous avons un legs biologique très compliqué à déterminer, hein, mais qui fait qu'on pense comme on pense, qui fait qu'on ressent ce qu'on ressent. Nous ne sommes pas que des purs esprits et de purs affects. Donc, il y a un legs biologique. Qui est là, il y a une histoire évolutive, il y a une histoire qui est à la fois évolutive, biologique, historique et sociale, et tout ça s'imbrique de manière extrêmement complexe. Donc il y a cette facticité, hein, de ce legs factuel de ce que nous sommes. Voilà, nous ne sommes pas des créatures, nous sommes une espèce qui a une histoire. Dans cette histoire, il y a une part biologique. Et c'est très intéressant de se dire que par ailleurs, nous sommes dans effectivement ce qu'on appelle un environnement. Donc moi, je refuse pas de parler d'environnement sous prétexte que ce serait biologisant. On est effectivement dans un environnement comme toutes les autres espèces. Et que l'environnement qu'on a créé, visiblement, on a effectivement du mal à le supporter. Voilà. Donc je trouve intéressant ce diagnostic, même s'il s'exprime dans des termes qui ont à voir avec la biologie. Ça ne me choque pas plus que ça. Non, au contraire même. Au contraire, ça m'intéresse. Et même si, pour autant, ça ne m'empêche pas d'imaginer qu'il y a d'autres, enfin, de penser, et je le pense fermement, qu'il y a d'autres échelles sociales, politiques, auxquelles qu'il faut mobiliser pour penser cette situation. Donc voilà, ça c'était mon point de départ. Et en même temps, donc, cette injonction à l'adaptation que va formuler Walter Lippmann, il faut s'adapter, il faut réadapter l'espèce. Ah voilà, donc lui part du constat fait avant lui pour dire non mais maintenant il faut s'adapter. On constate qu'il y a un désajustement entre l'homme et son environnement, maintenant essayons de nous adapter. Et pour ce faire, il veut refonder l'évolutionnisme en politique en fait. C'est ça, il dit il faut repenser entièrement toute la philosophie politique, toute la pensée politique à partir de la révolution darwinienne et de la théorie de l'évolution. Alors pour bien comprendre ce geste-là qui est assez révolutionnaire quand même, écoutons un extrait de Darwin, de l'origine des espèces. Il y a peu de thèmes qui sont aussi féconds en malentendus que l'évolutionnisme selon Darwin. Alors voici un court extrait, vous nous aiderez à comprendre ensuite Barbara Stiegler. La sélection naturelle scrute à chaque instant et dans le monde entier les variations les plus légères. Elle repousse celles qui sont nuisibles, elle conserve et accumule celles qui sont utiles. Elle travaille en silence, insensiblement, partout et toujours, dès que l'occasion s'en présente, pour améliorer tous les êtres organisés relativement à leurs conditions d'existence, organiques ou inorganiques. Ces lentes et progressives transformations nous échappent jusqu'à ce que, dans le cours des âges, la main du temps les ait marquées de son empreinte. Et alors nous nous rendons si peu compte des longues périodes géologiques écoulées que nous nous contentons de dire que les formes vivantes sont aujourd'hui différentes de ce qu'elles étaient autrefois. Bien que la sélection naturelle ne puisse agir qu'au travers et en vue de l'avantage de chaque être vivant, il n'en est pas moins vrai que des caractères et des conformations que nous sommes disposés à considérer comme ayant une importance très secondaire peuvent être l'objet de son action. Quand nous voyons les insectes qui se nourrissent de feuilles revêtir presque toujours une teinte verte, ceux qui se nourrissent d'écorce une teinte grisâtre, le lagopède alpin devenir blanc en hiver, le lagopède d'Écosse porter des plumes couleur de bruyère, ne devons-nous pas croire que les couleurs que revêtent certains oiseaux et certains insectes leur sont utiles pour les garantir du danger? L'injonction à s'adapter et à vivre des mutations en permanence provient donc d'une lecture biologique du politique, vous l'avez bien dit Barbara Stiegler. Ici, dans ce texte de Darwin, lu par Vincent Schmitt, on voit l'idée d'une sélection qui se fait malgré nous et surtout qui travaille en silence. Il y a vraiment cette idée d'une invisibilité de la transformation. Dans quelle mesure et comment Lippmann procède-t-il pour adapter, c'est le cas de le dire, ce que la pensée darwinienne au domaine politique? Il y a quelque chose qui paraît assez contre-intuitif ici. Tout à fait. Pour Lippmann, il faut penser depuis Darwin, mais il faut penser en rupture avec Darwin. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il faut penser à partir de cette révolution darwinienne, de l'évolution, le fait que nous soyons une espèce qui, comme toute espèce, doit être adaptée à son environnement, etc., etc. Mais l'idée générale, c'est que les processus de type darwinien décrits dans ce texte, à savoir d'une très lente sélection de petites variations insensibles, qui ont très bien marché jusqu'à une époque très récente pour toute la vie et aussi pour nous, à partir d'un moment n'ont plus fonctionné. Donc c'est la fin du darwinisme, quand il y a la fin de l'histoire. C'est-à-dire que, voilà, en gros, l'idée c'est que il y a un moment très récent pour Lippmann, qu'il situe à peu près au moment de l'Antiquité, avec le début des sciences et des techniques, et qui va exploser avec la révolution industrielle, il y a un moment où les mécanismes, si on peut appeler ça des mécanismes en fait, c'est un peu plus compliqué, mais je simplifie, darwiniens ne fonctionnent plus avec l'homme. Pourquoi ? Parce que, précisément, c'est toute l'énigme, en fait. C'est que l'homme a opéré une révolution. Voilà. Avec l'invention de la technique, en avec fait. Avec l'invention de la technique, oui, absolument. Et ensuite, et surtout, avec la révolution industrielle. C'est la grande révolution pour Lippmann. Donc Lippmann dépasse Darwin, en fait. Il montre que Darwin est déjà daté. Alors, non, pas vraiment, parce que Darwin était tout à fait d'accord, et il l'avait dit, pour dire qu'avec l'homme, les mécanismes de sélection naturelle ne fonctionnaient plus. Donc, il n'y a pas, de ce point de vue-là, il n'y a pas de désaccord. Darwin disait bien, ce que je décris vaut pour les plantes et les animaux. Pour l'homme, il y a d'autres choses qui se mettent en place. Mm-hmm. Hein? Donc, des choses qui n'ont rien à voir. Donc là, de ce côté-là, il n'y a pas de rupture. Simplement, l'idée, c'est que l'homme est bien un être de rupture, mais il faut penser cette rupture depuis son histoire évolutive darwinienne. C'est là où ça reste. Là, c'est là où il continue à se revendiquer darwinien. Vous voyez ce que je veux dire ? Très bien. Donc, c'est exactement comme ce que fait Darwin, qui dit il faut penser depuis l'histoire de la vie, à un moment, cette espèce sort de l'orbite, en fait, quelque part, et se met à faire autre chose. Et dans quelle mesure ce qu'apporte Lippmann à la pensée darwinienne se distingue-t-il de ce qu'on a appelé le darwinisme social ? Savoir que la lutte pour la vie entre les hommes et l'état naturel de relations sociales. C'est un point central. C'est un point central. Et effectivement, il faut passer par Herbert Spencer. Donc, il faut savoir qu'à l'époque où Lippmann pense et écrit, dans l'ère culturelle dans laquelle il écrit, à savoir l'Amérique des années 10-20, ce qui domine, c'est le darwinisme social de type spencerien. Alors dites-nous, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est une lecture très vulgarisée de Spencer, qui lui-même lit mal Darwin, il n'hésite pas à le déformer. Mais en gros, pour arriver au résultat suivant, qui est que comme Darwin nous l'aurait expliqué, il faut que ce soit le plus fort qui l'emporte, donc il faut laisser faire les processus donc pas d'État, naturels. Voilà, il faut que l'État se retire au maximum, sauf pour défendre la propriété privée et les frontières de la nation. Donc c'est un alibi au libéralisme. C'est une forme de libéralisme très particulière, pas du tout majoritaire, qui existe encore aujourd'hui, que j'appelle l'ultralibéralisme, donc qu'on peut trouver aussi chez les libertariens, qui est très vivace aujourd'hui, mais qui n'est pas du tout l'alpha et l'oméga du libéralisme classique, hein, qui est tout autre, qui assume un rôle important de l'État, etc. Mmh. Donc c'est l'idée d'une phobie de l'État. Il faut que l'État se retire, parce qu'il faut laisser faire les processus spontanés et naturels pour que les plus forts l'emportent et que les plus faibles soient éliminés, dans une compétition sociale qui serait la même chose que la compétition naturelle. Et c'est exactement comme ça que pensent les grands décideurs, les grandes classes dominantes à New York et un peu partout aux États-Unis à l'époque, ceux qui édifient Manhattan, les grands mécènes des beaux musées new-yorkais pensent comme ça. Et Lippmann, lui, est en désaccord avec ces gens-là. Lippmann se situe à la gauche de l'échiquier politique. Il appartient à ce qu'on appelle les progressistes. Et il considère que ces gens-là sont en train de conduire l'Amérique à la catastrophe, à une situation sociale absolument impossible. Trop de misère s'accumule, le marché dysfonctionne clairement, les sociétés ne pourront pas tenir. Donc l'idée, c'est, et c'est ce que disent les progressistes, c'est qu'il faut bien une régulation sociale. Mais Lippmann va aller plus loin et il va carrément théoriser, de manière de plus en plus claire, le retour d'un État au nom du libéralisme, pour sauver le marché, pour sauver le capitalisme, pour sauver la révolution industrielle, le retour d'un État très fort, qui prennent en main, en fait, l'avenir de l'espèce humaine pour la réadapter par toute une série de politiques publiques aux impératifs de la révolution industrielle. Donc c'est un nouveau libéralisme qui naît là, ce qu'on appellera à sa suite le néolibéralisme, qui est à la différence de l'ultralibéralisme et de sa phobie d'État, c'est un nouveau libéralisme qui assume un rôle très fort de l'État et qui n'hésite pas à avoir un discours très autoritaire sur la manière dont les populations doivent être prises en main. Puisque les populations sont inadaptées aux exigences de la révolution industrielle, les mentalités sont inadaptées, les cultures sont inadaptées, la manière de réfléchir, de raisonner, etc. Il va falloir réadapter toutes ces populations. Mais réadapter dans quel sens? Politiquement? Biologiquement? Par des politiques, par exemple. Socialement? Par des politiques publiques, d'éducation, la capacité à supporter le changement permanent, des politiques de santé, le fait de rendre les gens plus compétitifs, plus performants, hein, par des politiques de santé extrêmement puissantes et ambitieuses. Des politiques aussi de redistribution sociale, parce que si on laisse les très gros monopoles s'accumuler, les très grands prédateurs sociaux que sont les milliardaires new-yorkais, pendant qu'une classe sociale moyenne tombe petit à petit dans la misère, ça va pas être possible non plus. Donc il est nécessaire de réguler. Mais pas au nom de la justice, société, au nom du maintien du libéralisme. Au nom de l'égalité des chances, c'est comme ça que s'exprime l'IPAM, au nom de l'égalité des chances dans la compétition mondiale. Il faut redistribuer les cartes. Pour mieux être en compétition. Pour que tous les membres de la société puissent entrer dans cette compétition mondiale, y compris les classes défavorisées, etc. Y compris les malades, y compris les plus vulnérables, y compris les gens qui sont sans emploi. Il faut que l'État relance sans cesse le jeu de la compétition. Pourquoi ? Parce que sinon... Oui, pourquoi la compétition a-t-elle autant les faveurs de Lippmann ? Alors, c'est là où il reprend... Beaucoup. Parce que c'est là où l'État net... Oui. C'est là où il reprend... L'évolution naturelle. C'est là où il reprend à Darwin le rapprochement entre différentes notions, adaptation, évolution, mutation, sélection, compétition. Tout ça, c'est dans Darwin. Il le reprend. En même temps, il pense la rupture, d'où la nécessité d'introduire la main artificielle de l'État, mais il continue à penser dans le cadre de la compétition. Mais c'est pas forcément une norme, parce que Darwin constate que dans la nature, ça se passe ainsi, qu'il faut à tout prix... Quand la chance nous est donnée d'agir par nous-mêmes, selon notre raison et pas selon justement les lois de la nature, en politique, de faire autre chose que la norme de la nature. Enfin, pourquoi est-ce que la nature serait un idéal? Ce qui est vraiment un idéal chez Lippmann, c'est le fait de enfin, c'est ce qu'il dit. En réalité, c'est ce qu'il dit explicitement. L'implicite, c'est une autre affaire. Mais ce qu'il dit, c'est l'évolution. Voilà. Il faut que la société soit mobile. Pour qu'il y ait de l'évolution, il faut une relation équilibrée entre la compétition et la coopération. Il faut que toutes les parties de la société soient tout le temps à la fois en train de coopérer et d'être en relation de compétition pour s'élever les unes par rapport aux autres. Ça, c'est complètement hérité de Spencer. Là-dessus, il reprend absolument ce que pensait Spencer, Herbert Spencer. Donc qui avait posé l'inventeur du darwinisme social. Celui qui a lancé le mal nommé darwinisme social, puisqu'en fait c'est une trahison de Darwin. Il reprend Spencer sur ce point, mais là où il quitte Spencer, c'était votre question, c'est sur l'idée qu'il faudrait laisser faire les phénomènes sociaux, il suffirait de laisser faire les individus et les groupes pour que tout se passe au mieux. Là où il n'est pas du tout spencerien et là où il pense que Spencer est naïf, c'est qu'en réalité, il ne voit pas que l'espèce humaine n'est pas capable de s'adapter spontanément au monde industriel qu'elle a créé et qu'il faut donc, ce que je disais à l'instant, un retour de l'État. Donc, il y a des éléments très spencériens chez Lippmann, et en même temps, il y a une critique de Spencer. L'élément de rupture, c'est au lieu de la phobie d'État, le retour de l'État et d'un État qui aura une main de fer, si je puis dire. Et dans quelle mesure ce que Lippmann écrit pourrait s'appliquer aujourd'hui? Est-ce que c'est une pensée datée ou est-ce que c'est une pensée qui pourrait être utile aujourd'hui? Ce que dit Lippmann, et c'est pour ça que Lippmann m'a intéressé, c'est pour ça que j'ai passé tant de temps à le lire de près, ma démarche était généalogique. C'est-à-dire, ce que j'appelle la généalogie, c'est un terme que j'emprunte à Nietzsche et que Foucault a également emprunté à Nietzsche. C'est l'idée que la philosophie doit essentiellement faire un travail généalogique, c'est-à-dire partir des problèmes du présent pour remonter dans le passé. C'est vraiment comme ça que je pratique la philosophie. un peu comme un médecin, hein, à partir de la plainte du patient et de ce qui ne va pas, va chercher un symptôme. Enfin, voilà. À partir du symptôme. Voilà, va remonter dans le temps pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, d'où ça vient. Bon. Donc c'est une démarche particulière. Et si je suis allée lire des auteurs anciens, c'est pas le mot, mais disons. Qui quand même, je suis allée m'intéresser à un débat qui a un siècle hein, maintenant, eh bien c'était pour penser ce qui se passe aujourd'hui. Et ce qui m'a saisi quand j'ai lu Lippmann, c'est à quel point il exprime ce qu'on entend dans la pensée politique dominante aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai lu avec autant d'attention. Il faut s'adapter à un monde mondialisé, ça suppose que l'État ait une politique, que toutes les politiques publiques de l'État soient orientées dans cette direction, ça transforme complètement le sens de la santé, de l'action de l'hôpital, de l'action de l'école, de l'action sociale. Et c'est exactement ce qu'on voit quand on étudie de près les nouvelles politiques publiques dites néolibérales, qui ne sont pas du tout des politiques où l'État disparaîtrait, mais qui sont des politiques où l'État change complètement son intervention. Et mais le pour mieux maintenir un état de fait, on en revient à ce qu'on et alors disait. Là où le changement c'est maintenant, c'est-à-dire qu'en fait ça ne va pas changer, vous allez changer pour vous adapter à ce qui est. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en réalité derrière ce discours, derrière cette célébration du nouveau, de l'évolution, de la mutation et de la transformation permanente, ce que je crois, ce qui se joue pour Lippmann et pour le néolibéralisme, c'est de maintenir absolument le même monde, avec finalement quelque chose de complètement figé. Mais au nom de quoi ? Au nom de quoi ? Ben au nom de... Vous voyez, pourquoi maintenir ce même monde en fait ? Pourquoi qu'y a-t-il de si positif en ce monde qui nous donne envie de le maintenir ? C'est l'incapacité en réalité de critiquer, d'avoir une pensée critique quant à la révolution industrielle et au capitalisme, qui sont deux choses différentes mais qui évidemment sont liées. Chez John Dewey, qui est l'adversaire de Lippmann, ce qui est passionnant, c'est que c'est à la fois quelqu'un qui dit on ne peut penser qu'à l'intérieur de la révolution industrielle, mais qui en même temps dit il faut faire une critique de l'environnement industriel qu'on a créé. Et il faut transformer activement et politiquement et collectivement notre environnement industriel qui est complètement dégradé et qui est devenu invivable. Et il faut le faire depuis la révolution industrielle. C'est ce que Dewey dit contre Lippmann. Pour le capitalisme, il a un discours un peu différent, qui est de dire que la révolution industrielle s'est faite, comme Marx l'a très bien montré, avec le capitalisme. Mais comme Marx, Dewey pense qu'il faut faire une critique radicale du capitalisme, ce que Lippmann se refuse à faire. Voilà, je crois qu'on retrouve là. Donc l'époque là... serait davantage héritière de Dewey que de Lippmann ? Ce que nous vivons aujourd'hui. Ouais. Ce que nous vivons aujourd'hui est clairement, marqué par une double hégémonie, l'hégémonie du néolibéralisme de type lippmannien, si je peux dire ça, et puis l'hégémonie doit être quand même partagée avec un ultralibéralisme déchaîné. On retrouve, qui est donc pour détruire l'État, tout vendre au marché, etc. Qui est encore autre chose. Bon. Dewey a une postérité plus importante que celle Dewey, de Lippmann. Dans cette affaire, je dirais qu'il est également présent aujourd'hui, et c'est pour ça que généalogiquement il m'a énormément intéressée, c'est que moi je sens la présence de la pensée de Dewey dans les publics contemporains. C'est-à-dire que je sens dans les publics d'aujourd'hui quelque chose qui fait écho à ce que cherchait Dewey. J'appelle les publics ces groupes de gens qui essaient de s'identifier, qui se trouvent les uns les autres par des réseaux sociaux et qui essaient de penser la transition, la transformation du monde, les enjeux écologiques, les enjeux climatiques, les enjeux alimentaires, les problèmes d'éducation, qui essaient de penser autrement la transformation du monde et d'avoir une espèce d'intelligence collective pour que le monde fonctionne autrement. Bon, on voit ces publics se lever un peu partout depuis, je dirais, le tournant du XXIe siècle, où la crise environnementale s'est imposée dans les esprits et les gens ont commencé à être extrêmement inquiets sur la nourriture qu'ils ingéraient, les médicaments qu'ils prenaient, sur toute chose, sur leur rythme de travail, sur absolument toute chose, et pas seulement sur le réchauffement climatique. Et à partir de là, des publics sont en train d'émerger. Et ces publics, dans la manière dont ils essaient de travailler ensemble et de réfléchir ensemble, bien sûr, c'est très difficile pour eux, puisqu'on pourrait dire que tout est contre eux. Enfin, les forces politiques dominantes sont contre eux, évidemment. Ces publics, dans leur recherche, s'expriment dans des termes qui sont très proches de la pensée politique de John Dewey. Donc j'ai trouvé extrêmement important de faire connaître au public, au pluriel, ce philosophe, qui est finalement assez peu connu. Il commence à être redécouvert en Europe par les chercheurs et les universitaires. Et par le biais du pragmatisme, c'est plutôt un autre angle. Par le biais du pragmatisme, et donc il y a un regain d'intérêt pour Dewey, mais il n'est pas du tout connu du public, quoi. Pour prendre la mesure de ce qu'il oppose à Lippmann, une citation, hein, Dewey dit « L'organisme n'est pas un spectateur face à l'écran du monde qui le bombarderait de données brutes, il est un acteur qui prend part au monde. » Au fond, c'est ça. Et vous avez remarqué, il emploie le terme d'organisme. Bien sûr. Il n'est pas citoyen. Donc là, il y a le lexique biologique qui est déjà présent. Bien sûr, le point commun, hein, la matrice commune entre Dewey et Lippmann, c'est vraiment le diagnostic de Graham-Wallace qui s'exprime en termes, clairement, délibérément, évolutionnistes. Et John Dewey, comme William James, comme Nietzsche, comme Bergson, et ses auteurs, ont des points de... Il y a une matrice commune entre ces auteurs, même s'il y a beaucoup de différences, sont des évolutionnistes revendiqués. Ils pensent depuis l'évolution. Et Dewey explique très bien dans un texte fameux que la grande révolution dans l'histoire de la philosophie, c'est la parution de l'origine des espèces, qui va tout transformer, qui va complètement transformer la métaphysique, l'épistémologie, la politique, la morale, etc. Mais dans quelle mesure, je rebondis sur ce que vous disiez en début d'émission, et ce que vous dites dans votre livre sur le constat de l'absence du lexique, enfin, le lexique biologique est présent en politique, mais pas la pensée biologique. C'est exactement parce que ça. Les termes, on les retrouve. Les termes sont là dans notre monde politique. Hein, évolution, sélection, ouais. Mutation, adaptation, enfin, c'est tout le temps là, c'est lancinant. Par contre, ça n'est pas pensé. Voilà, mais dans quelle mesure est-ce que finalement, puiser dans la pensée biologique pour essayer de mieux penser le fait du politique n'est-il pas toujours normatif au fond? Parce que ça revient à dire ça, en fait, ce que vous dites de l'utilisation de ces auteurs, de Darwin par ces auteurs. Si on dit que finalement, si on se base sur l'évolution humaine, ça implique de ne pas penser un changement du monde possible. Or, tout le projet politique d'une partie de la population et ces groupes, de ce public dont vous parlez, c'est justement de rendre possible un changement autre que celui de l'évolution. Donc, est-ce qu'on peut puiser dans la biologie au service d'une transformation du monde, en fait ? La biologie permet de penser ce que vous appelez la transformation du monde. Darwin ne cesse de penser la transformation du monde par les espèces. Il a publié un texte extraordinaire sur les vers de terre qui vous explique comment les vers de terre ont totalement transformer la Terre. Donc la biologie, c'est une pensée de la transformation du monde. Oui, parce qu'il faut entendre dans biologie, c'est ça, le lien entre l'organisme et l'environnement, ce que vous disiez. Bien sûr, bien sûr. Donc il y a des ressources pour penser, dans la biologie, il y a énormément de ressources pour penser ce qu'est le changement, l'évolution, la transformation. La question se pose de savoir, même stratégiquement, qu'est-ce qui est le plus simple ? C'est une question philosophique vieille comme le monde. Vaut-il mieux changer l'ordre de ses désirs ou l'ordre du monde ? Est-ce que c'est plus facile de s'adapter à l'ordre du monde tel qu'il est que de changer le monde ? Alors, il n'y a pas de monde tel qu'il est, en réalité, puisque le monde est sans cesse permanente. Transformé, etc. En revanche, dans la pensée, dans ce nouveau libéralisme lippmannien, ce qui est absolument problématique, c'est que Lippmann fait comme si il y avait en fait une fin de l'évolution. Comme si il fallait s'adapter à un sens de l'histoire, la fin de l'évolution, qui serait le grand, qui serait en fait un monde mondialisé, complètement mondialisé, et dans lequel il y aurait, par la vertu d'un capitalisme industriel régulé, cette permanente interaction entre la compétition et la coopération. Donc le monde en fait spencerien. Mais Darwin, ce qu'il nous a appris, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin de l'évolution et que l'évolution part dans tous les sens. Précisément. Donc, il faut avoir une vision complètement multiple de l'évolution. Et ce qui fait que vous disiez tout à l'heure, dans le slogan « Le changement, c'est maintenant, l'enjeu, c'est que rien ne change », c'est ça. C'est-à-dire qu'en réalité, derrière le discours de l'injonction au changement et à l'adaptation et à la transformation que j'ai décrypté, l'enjeu, c'est que rien ne change. Mais alors, pourquoi ? Alors, il y a deux choses. Sur cette absence de changement, il y a peut-être la stratégie politique qui consiste à appeler à du changement pour lui maintenir lui-même. Il y a peut-être aussi une inadaptation de ce que vous appelez le public ou le peuple au changement qu'on peut constater, ou une mauvaise volonté pour Dewey, c'est l'inverse, ce sont les experts qui sont en cause de retard des sociétés, justement. Où est-ce qu'on situe la cause, cette absence de changement? C'est une vraie question. Alors, je pense que Dewey comme Nietzsche sont des auteurs très intéressants parce qu'ils sont des gens qui posent l'impossibilité de dépasser la tension tragique entre le nouveau et l'ancien, entre l'attachement à l'ancien et la nécessité du nouveau. Ça, c'est vraiment la matrice commune de ces deux penseurs qui m'a intéressée. Hein. C'est-à-dire, ça, on ne pourra jamais le dépasser. Voilà. À la fois la vie, c'est à la fois l'attachement au même et le nécessaire surgissement permanent du nouveau. C'est ce qui est magnifique chez Nietzsche et chez Dewey. À partir de là, ça, on ne peut pas le dépasser, mais pour autant, il faut se tenir dans cette tension tragique entre ce que j'ai appelé flux et stase, ancien et nouveau, et la politique doit servir à ça. Or, bien souvent, la politique fait le contraire, c'est-à-dire qu'elle oppose le nouveau à l'ancien. Il y a les partisans du nouveau qui seraient du côté du progrès, de la révolution, etc. Et puis il y aurait ceux qui sont attachés à l'ancien qui serait le mal en soi, hein, l'archaïsme qu'il faudrait dépasser. Et puis il y a le parti adverse qui ne cesse de dire l'identité stable, c'est vital, et le nouveau, c'est une menace. Ces deux directions qui aujourd'hui s'affrontent de manière aussi violente dans notre monde. Et qui correspondent pas forcément d'ailleurs au clivage droite-gauche. Exactement, ça les traverse, ça traverse. Ces deux écueils, en fait, sont délétères. C'est délétère. Et en réalité, tout se joue dans la manière, en politique, dont on ajuste toujours de manière fine et complexe l'ancien et le nouveau. La nécessité de se transformer et la nécessité de se maintenir. Et ce qui est très intéressant, c'est que chez Dewey et Nietzsche, c'est qu'ils montrent bien que cette question-là est déjà la question de la vie. C'est déjà la question du vivant. Ça n'est pas spécifique à la politique. Simplement, chez l'homme, la différence de l'homme, c'est que ça ne pourra passer que par la politique. Ça ne passera pas par des mécanismes naturels. Ça ne se résout pas par des mécanismes naturels. Ça ne peut se résoudre qu'artificiellement. Et vous pensez que... Par l'action sociale, appelons ça l'action politique, mais appelons ça plus largement l'action sociale, l'action de l'intelligence collective. Il n'est pas monnaie courante, peut-être. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, ce que vous dites, on a l'impression que là, on tiendrait presque la recette d'une politique qui fonctionnerait, qui prendrait en compte cette tension entre l'ancien et le nouveau, qui comprendrait que la politique est aussi l'émanation de quelque chose de biologique qui constitue l'espèce humaine. On est à mille lieues de ça aujourd'hui, Barbara Stiegler. Oui, on est dans un déchaînement extrêmement violent. On l'a jamais été, on n'a jamais été d'ailleurs proche de ce que vous dites. C'est un idéal convaincant, mais comment faire pour s'en approcher? Alors, je pense que toute société qui est un peu robuste, et il y en a eu, et il y en a encore, ne s'en sort que parce qu'elle se tient dans cette tension vitale entre l'ancien et le nouveau. Donc, au contraire, c'est ce qui a toujours fait que des sociétés tiennent et fonctionnent. Simplement, ce qui aujourd'hui domine, c'est ce que je disais à l'instant, hein, l'affrontement extrêmement violent entre les prétendus amis du nouveau et les prétendus amis de l'ancien. Voilà. Et il faut absolument se sortir de là. C'est pourquoi, par exemple, je dénonce avec véhémence le nouveau manichéisme politique, là, entre le soi-disant progressisme et le soi-disant populisme. Hein, ce qui nous est posé par le parti au pouvoir comme l'horizon du débat. Hein, il y aurait les progressistes, c'est-à-dire les amis du nouveau, qui seraient les bons. Et puis il y aurait en face d'eux les populistes, c'est-à-dire les amis de les archaïques, hein, qui seraient du côté de la préservation des avantages acquis. Alors là, on met tout en même temps. Hein, on met les identitaires. Mais la politique n'a jamais été le lieu de la nuance, de toute façon. Voilà, mais ça en est... Alors, oui, ça je peux l'entendre, mais là, si vous voulez, il y a vraiment la mise en place d'un manichéisme mortel et il ne faut certainement pas se laisser enfermer dans ce piège. Le problème, c'est que sur le plan électoral, c'est dans ce piège qu'on mais nous voilà. enferme. Mais voilà, comment faire pour le penser autrement? Y compris quand on prétend le dépasser, ce qui est le cas du gouvernement actuel, on dépasse le clivage droite-gauche, en fait on en reproduit un nouveau, enfin, ah on oui, constate un nouveau. Alors justement, ils prétendent dépasser le clivage droite-gauche, ce que je pense est une erreur, parce qu'en fait... Le clivage droite-gauche, ça existe, hein, c'est notre héritage historique, hein, on est encore en plein dedans, donc la droite et la gauche existent toujours, les droites et les gauches existent toujours, et c'est très intéressant et ça ne me choque pas. En revanche, leur opposition manichéenne entre l'ancien et le nouveau, ça c'est un fantasme. Et il faut surtout pas se laisser enfermer dans ce faux... Oui, mais vous venez de dire qu'en même temps, l'antagonisme, il était constitutif. De l'espèce, mais même le rapport entre l'individu et l'environnement, on est toujours dans une tension que vous appelez tragique. Tout à fait. L'antagonisme, les contradictions, les conflits existent. Ça, je suis la première à le dire. En revanche, il existe aussi des oppositions totalement fantasmatiques. Et là, c'est le cas. Dire qu'il y aurait... Il faut arriver à identifier les bonnes oppositions. Voilà, exactement. Dire qu'il y aurait les amis du bien, qui seraient les progressistes, et les mauvais, ou les dépassés, ou les retardataires, qui seraient les archaïques, et on mélangerait les syndicalistes et les identitaires, pour moi, c'est une opposition qui n'existe pas. C'est travail, un fantasme. Et c'est un fantasme qu'il faut d'urgence critiquer. Bon, bah vous venez de le faire, Barbara Stiegler, on peut lire votre livre. Il faut s'adapter sur un nouvel impératif politique. Merci beaucoup d'être venu en parler ce matin. On se quitte avec Merci du Nord, parce qu'on est presque en retard. Ah non, je me suis pas réveillée. Faut que je me lève, que je me dépêche de m'habiller. C'est mon réveil, c'est ça ? Il n'a pas sonné. Pourtant, je suis sûre, cette fois, je n'ai pas oublié. Ah, je le sens déjà. Je vais galérer. Je voudrais rester là, au lit, toute la journée. Faut que je prévienne. Puis ça va rien changer. J'aurai même pas le temps de préparer mon goûter. J'en ai assez. J'en ai marre de me presser toute la journée. Ça va, je sais. J'espère que vous n'êtes pas en retard en écoutant France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver, sans plus attendre, le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Vous avez lu pour nous, pour vous, chers auditeurs, le nouvel essai d'Yvan Jablonka, Des hommes justes, du patriarcat aux nouvelles masculinités. C'est un des grands essais de la rentrée. L'historien Yvan Jablonka, 2 ans après l'émergence du mouvement MeToo, s'attaque lui aussi au problème des inégalités entre les hommes et les femmes. Son but, comme l'indique bien son titre, redéfinir la masculinité qui a compilé depuis des siècles virilité et domination, créant et entérinant par là même une injustice de genre. Une autre masculinité, de non-domination, est-elle possible ? C'est la question posée. Intéressé par le sujet, interpellé par les interviews qu'il a données et interloqué par cette phrase entendue sur mon lieu de travail, ici à France Culture, dans quelle galère entendait la question homme-femme, c'est donc fourré Yvan Jablonka. C'est pas moi. Eh bien, non, ça n'est pas vous, Adèle. J'ai eu envie de me faire ma propre idée. Yvan Jablonka n'est pas le premier ni le seul homme à s'intéresser aux inégalités de genre en interrogeant le masculin. C'est une mouvance actuelle avec par exemple Olivia Gazelle et son mythe de la virilité ou Thierry Hoquet avec l'ouvrage collectif La fabrique des garçons. Son parti pris cependant n'est pas de retracer et d'interroger ce qui a déjà eu lieu, mais de redéfinir, je cite, une morale du masculin pour toutes les sphères sociales, famille, entreprise, politique, sexualité. Comme il est annoncé en introduction, Jablonka veut ainsi conceptualiser ce qui est, vouloir ce qui devrait être. Et là, j'ai peur. Toute l'histoire du féminisme ne part-elle pas justement d'une déconstruction des identités et des normes accolées aux femmes ? Pourquoi donc vouloir opérer ce travail d'essentialisation et de moralisation pour les hommes ? J'ai peur, mais j'y vais, Adèle, car dans cette même introduction est donnée la visée du propos, la redistribution du genre. Jusqu'ici, la redistribution concernait d'abord la justice sociale pour des biens et des droits. La déclinée pour le genre attise donc ma curiosité. Comment peut-on redistribuer une chose inquantifiable et difficilement qualifiable comme le genre ? Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée. L'essai de 400 pages se divise en quatre parties. Les deux premières, le règne de l'homme et la révolution des droits, sont assez attendues. On est clairement dans la conceptualisation de ce qui est, à savoir le partage binaire et inégal des sexes qui s'est construit sur un paradoxe. L'homme n'ayant pas la force reproductrice, il s'est approprié la puissance sociale. Développement assez attendu, à ceci près qu'Yvan Jablonka a fait un travail colossal de collecte et de synthèse. Il ne se contente pas d'un corpus occidental, non. On vogue de l'art à la biologie, de la préhistoire au tournant féministe, de la Mésopotamie à l'Europe, allant d'Ibsen à la NASA, de Platon à Charlie Chaplin. La troisième partie, les failles du masculin, détonne un peu plus car on y trouve une approche intersectionnelle du masculin, ce qui était surtout fait pour le féminin jusque-là. Jablonka n'examine pas seulement les aliénations et les pathologies du masculin, mais les ancres dans le système politique et social qu'est le patriarcat, qui a entraîné l'homme dans sa chute. Ouvrier fini avec le chômage, soldat brisé avec la guerre, père absent à la maison, homme castré face aux féministes. Comment ces figures déclinantes sont-elles une chance pour Jablonka de redéfinir le masculin? Mais alors comment? Et le faut-il après tout? Le suspense est à son comble. Ça y est, ça te glace le sang. Que tu sois gars ne soit qu'un minime détail. Que tu sois charme tout presque comme une dame. N'en donne pas ton âme au diable. Et le pire, fais attention garçon. Faire joujou dans ton petit pantalon peut me provoquer de fines réactions. Allez tourne-toi, dégage, que je tape le fond. Je suis complètement normal. Complètement banal. Je suis complètement normal. Je suis con, tellement malade. C'est dans la quatrième et dernière partie, la justice de genre, que l'on atteint la dimension normative et prescriptive du propos. Ma crainte, qui était celle de voir le masculin redéfini à coups de normes strictes et moralisantes, se voit calmée par cette affirmation, page 307. Le masculin est un lieu vide que personne n'a le droit de s'approprier. Ouf, on a frôlé l'essentialisation, mais si le masculin n'est pas essentialisable, ni viril, ni fort, ni dominant, ni l'inverse d'ailleurs, comment le qualifier à côté du féminin pour le redistribuer également ? Tout doit commencer, pour Jablonka, par la fin des privilèges. Et on pourrait ajouter des qualifications. Si le masculin doit être un lieu vide, le féminin aussi. Ce qui doit ainsi être redistribué, si je comprends bien, c'est la possibilité de rompre avec soi-même. Et les injonctions à faire comme un homme ou comme une femme, telles que l'expose Yvan Jablonka en conclusion, évoquant avec délicatesse ses tiraillements intimes. Mais pourquoi alors parler de redistribution du genre? Ne faut-il pas tout simplement l'abolir? C'est la question qui reste en suspens pour moi, malgré le plaisir d'avoir eu entre les mains un livre aussi riche et sincère. Merci Géraldine. Le titre du livre ? Des hommes justes, du patriarcat aux nouvelles masculinités, c'est paru au Seuil. C'est noté, merci beaucoup. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site de France Culture. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, Isis Jourda, avec Manon Delasselle, Géraldine Mosna-Savoie, Jules Barbier, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui réalise cette semaine, Pierrick Monsigny qui est à la prise de son aujourd'hui, avec Vincent Schmitt à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite et fin de notre série sur la transition. Après la transition sexuelle, la transition écologique et la transition adaptation politique, ça c'était aujourd'hui. Et bien demain, nous parlerons de Bergson en compagnie de Camille Riquier. Bergson, le penseur, c'est le titre de l'un de ses livres, de l'évolution créatrice. D'ici là, pour réécouter cette émission et cette série d'émissions, ainsi que les précédentes, rendez-vous sur France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, dans les moments de transition, par hasard par exemple. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux Instagram, Twitter, Facebook où l'équipe des Chemins vous attend vos remarques et vos commentaires et on sera ravis de vous répondre. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.